Chapitre 33. Botzaris tomba, baigné dans son sang. Ses compagnons le virent sourire quand retentit leur cri de victoire. Il s'endormit paisiblement de son dernier sommeil, comme une fleur qui se ferme au déclin du jour. Halek, Botzaris. Au lever du soleil le lendemain, la tribu des Lenapes n'offrait plus qu'une scène de désolation. Le bruit du combat avait cessé. Ils avaient assouvi leur vieille haine et vengé leur récente querelle avec les Mingos par la destruction de toute leur peuplade. L'atmosphère brumeuse et grise qui flottait autour de l'emplacement où les Hurons avaient campé n'annonçait que trop le destin de cette tribu errante. Et les corbeaux qu'on voyait par centaines voler au-dessus des noirs sommets des montagnes ou se répandre en troupes lugubres sur la vaste étendue de la forêt indiquait d'une manière attristante les lieux qui avaient servi de théâtre au fatal combat. Enfin, l'œil le moins habitué au spectacle d'une guerre des frontières n'aurait pu méconnaître, à des signes si frappants, les résultats d'une vengeance indienne. Cependant, le soleil, en se levant sur les Lenapes, éclaira une nation en deuil. Aucun cri de victoire, aucun chant de triomphe ne se faisait entendre. Le dernier de Lawar était de retour de son œuvre de sang. Après avoir fait disparaître de son corps les emblèmes terribles de la guerre, il venait d'unir sa voix aux lamentations de ses frères, frappés dans tout ce qu'ils avaient de plus précieux. L'humilité avait pris la place de l'enthousiasme et de l'orgueil, et aux passions les plus farouches avait succédé l'affliction la plus profonde et la moins équivoque. Les habitations étaient désertes, mais une foule attentive formait un cercle épais autour d'un champ du voisinage où la population entière s'était réunie dans un silence morne et solennel. Sans distinction de rang, d'âge ou de sexe, ils subissaient tous l'empire d'une émotion commune et tous avaient les yeux ardemment fixés sur le centre du cercle qui contenait les objets d'une désolation universelle. Six jeunes filles aux cheveux noirs flottant en mille boucles sur les épaules formaient à l'écart un groupe immobile. Elles ne donnaient d'autres signes de vie qu'en jetant de temps en temps des herbes odoriférantes et des fleurs agrestes sur une litière de plantes aromatiques où reposait, sous une espèce de dais composé d'étoffes indiennes, tout ce qui restait de la noble, ardente et généreuse Cora. Son corps était enveloppé des mêmes étoffes, son visage caché pour toujours aux yeux des mortels. À ses pieds était assis le père inconsolable. Sa tête vénérable était penchée vers la terre en témoignage de sa résignation au coup de la Providence. Mais sur son front ridé et à travers les mèches de cheveux blancs qui y retombaient en désordre, on lisait l'expression d'une peine déchirante. Près de lui était David, l'air humble et la tête nue, le regard errant sans cesse du petit livre où il puisait tant de maximes bienfaisantes au vieillard qu'il cherchait à consoler par ses lectures. Hayward, appuyé non loin de là contre un arbre, s'efforçait de comprimer les explosions d'une douleur contre laquelle toute sa fermeté d'âme lui était nécessaire. Quelque triste et attendrissant que fût ce groupe, il l'était moins encore qu'un autre qui occupait le côté opposé de l'enceinte. Une estrade supportait Uncas, assis comme s'il eût été vivant. Dans une pose grave et calme, et revêtu des plus magnifiques ornements que put fournir la richesse de la tribu, de superbes plumes flottaient sur sa tête. Coquillages, colliers, bracelets, médailles décoraient à profusion sa personne. Mais son œil terne et ses traits inanimés donnaient un démenti brutal à cette orgueilleuse imposture. En face du cadavre, on voyait Chingachgook, sans armes ni ornements d'aucune sorte. Toute peinture avait disparu de son corps, à l'exception de l'emblème de sa race armoriée sur sa poitrine dans une couleur indélébile. Depuis que la tribu avait été ainsi rassemblée, le guerrier Mohican n'avait pas détourné les yeux de la figure glacée et insensible de son fils. À la fixité de son regard, à la rigide immobilité de son attitude, On aurait eu quelque peine à distinguer celui des deux que le sort avait frappé, sans les convulsions rapides qui sillonnaient parfois le visage sombre du père et le calme de la mort empreint pour toujours sur la physionomie du fils. Un peu en arrière, l'œil de faucon s'appuyait sur sa carabine et Tamenund, soutenu par les vieillards de sa nation, occupait un siège élevé d'où il pouvait contempler la scène muette et poignante que présentait son peuple. Vers le milieu du cercle se trouvait un officier qui portait un uniforme français, et hors de l'enceinte, son coursier de bataille était entouré de quelques domestiques à cheval qui semblaient prêts à entreprendre un long voyage. Le costume de l'étranger annonçait qu'il occupait un poste de confiance auprès du gouverneur du Canada. Chargé d'une mission de paix, il avait été prévenu par la sauvage impétuosité de ses alliés et maintenant il était spectateur des tristes résultats d'une lutte que son arrivée tardive n'avait pu empêcher. Le soleil avait presque atteint le quart de sa course et la multitude conservait encore l'attitude silencieuse qu'elle avait prise depuis le lever de l'aurore. Aucun bruit ne se faisait entendre, excepté quelques sanglots étouffés. Aucun mouvement n'avait lieu, si ce n'est pour faire à Cora les chastes offrandes, emblème de sa pureté et de son innocence. La patience indienne était seule capable de soutenir si longtemps une intensité d'abstraction qui semblait avoir changé chacun des assistants en statue de pierre. Enfin, le sage des Delawares, étendant le bras et s'appuyant sur les épaules des anciens placés à ses côtés, se leva d'un air débile et languissant. Entre l'homme qui s'était présenté la veille devant le conseil de sa nation et celui qu'elle voyait aujourd'hui chanceler, on eût dit qu'il s'était écoulé l'espace d'un siècle. « Homme des Lenapes !» dit-il d'une voix creuse et prophétique. « La face du Manitou est derrière un nuage. Ses yeux se sont détournés de vous, ses oreilles sont fermées, sa langue ne donne point de réponse. Vous ne le voyez pas, cependant ses jugements sont devant vous. Que vos cœurs s'ouvrent et que vos esprits ne cherchent pas à mentir. Homme des Lenapes, la face du Manitou est derrière un nuage. » Cette annonce simple et terrible parvint aux oreilles de l'assistance comme si le dieu vénéré qu'elle adorait avait parlé lui-même, sans passer par l'intermédiaire d'une voix humaine. Et l'insensible Uncas parut doué de vie en comparaison de la foule immobile dont il était environné. Dès que cette impression accablante se fut peu à peu dissipée, on entama une sorte de chant en l'honneur des morts. C'était une mélopée touchante et douce comme un murmure. Les paroles n'étaient pas distribuées d'une manière régulière, mais lorsqu'une femme cessait, une autre reprenait l'éloge ou lamentation funèbre, ainsi qu'on voudra l'appeler, et exhalait ses sentiments dans le langage que lui inspirait l'occasion. Entre-temps, celle qui chantait était interrompue par une explosion générale de gémissements, pendant laquelle les jeunes filles qui entouraient le cercueil de Cora arrachaient par saccades et dans l'égarement de la douleur, les fleurs semées sur son corps. Mais lorsque le chant revenait à ses modulations plaintives, les emblèmes d'innocence et de douceur lui étaient rendus avec tous les signes d'affection et de regret. Malgré ces interruptions multipliées, le chant de deuil n'en formait pas moins un ensemble d'idées suivies. Une jeune fille, distinguée par son rang et ses qualités, avait été choisie pour prononcer la première l'éloge du guerrier mort. Elle parla d'abord de ses vertus, en ayant recours à ces images pompeuses que les Indiens ont sans doute reçues de l'Extrême-Orient et qui forment, en quelque sorte, la chaîne qui réunit l'histoire des deux mondes. Elle l'appela la panthère de sa tribu. Elle dit que son mocassin ne laissait point d'empreinte sur la rosée, que ses bonds ressemblaient à ceux du jeune faon, que ses yeux étaient plus brillants qu'une étoile dans la nuit, que sa voix dans les batailles égalait le bruit du tonnerre du Manitou. Elle lui rappela la mère qui lui avait donné le jour et s'étendit sur le bonheur qu'elle devait éprouver à posséder un tel fils. Elle le chargea de lui dire lorsqu'il la reverrait dans le monde des esprits, que les filles de Lawar avaient pleuré sur le tombeau de son enfant et l'avaient appelée bienheureuse. D'autres alors lui succédèrent, et donnant à leur voix un ton plus affectueux, avec ce sentiment de délicatesse propre à leur sexe, elles firent allusion à la jeune étrangère, dont le départ de la vie avait été si rapproché du sien qu'on ne pouvait y méconnaître la volonté du grand esprit. Elles lui recommandèrent d'être bienveillant pour elle, et de l'excuser si elle ignorait plusieurs des choses qui étaient nécessaires au bien-être d'un guerrier tel que lui. Elles firent ressortir sa beauté incomparable et sa noble intrépidité sans la moindre ombre d'envie, ajoutant que ses qualités compensaient et au-delà ce qui manquait à son éducation. Après quoi, d'autres vinrent à leur tour s'adresser à la jeune étrangère elle-même et lui parler un doux langage de tendresse et d'amour. Elles l'exhortèrent à être sans inquiétude et à ne rien craindre pour son bonheur à venir. Un chasseur serait son compagnon, qui saurait pourvoir à ses moindres besoins. Un guerrier serait près d'elle, qui saurait la protéger contre tous les périls. Elles lui promirent que sa route serait agréable et son fardeau léger. Elles l'avertirent de ne point regretter inutilement les amis de sa jeunesse et les lieux où avaient vécu ses pères, l'assurant que les forêts merveilleuses, où les lénapes chassaient après leur mort, contenaient des vallées aussi plaisantes, des fleurs aussi belles, des eaux aussi pures que le ciel des visages pâles. Elles lui recommandèrent d'être attentive aux besoins de son compagnon et de ne jamais oublier la distance que le Manitou avait sagement établie entre eux. Alors, réunissant leurs voix, elles célébrèrent en chœur avec enthousiasme les qualités morales du Mohican. Il était noble, mâle et généreux, tout ce qui convenait à un guerrier, tout ce que pouvait aimer une jeune fille. Revêtant leurs idées des images les plus choisies et les plus délicates, elles montrèrent que, dans le court intervalle où elles avaient connu le jeune chef, elles avaient découvert, avec la perspicacité instinctive de leur sexe, la pente naturelle de ses inclinations. Les filles de Lawar n'avaient pas trouvé grâce devant ses yeux. Il descendait d'une race qui avait régné autrefois sur les rives du lac Salé, et ses affections s'étaient reportées sur un peuple qui vivait au milieu des tombeaux de ses pères. Pourquoi cette prédilection n'aurait-elle pas eu sa récompense? Il était facile de voir que l'étrangère avait le sang plus pur et plus brillant que le reste de sa nation. Elle avait prouvé par sa conduite que les dangers et les fatigues de la vie des bois n'étaient pas au-dessus d'elle. Et maintenant, ajoutèrent-elles, le sage de la terre la transportera dans un lieu où elle trouvera des âmes qui lui ressemblent et où l'attend une félicité éternelle. Changeant encore de ton et de sujet, elles firent allusion à la sœur de Cora, qui pleurait dans une loge voisine. Elles la comparèrent à des flocons de neige, aussi pures, blanches, brillantes, mais aussi susceptibles de fondre aux rayons ardents de l'été ou de geler au souffle glacial de l'hiver. Elle ne doutait pas qu'elle ne fût charmante aux yeux du jeune chef, qu'il lui ressemblait tant par la couleur de la peau et la force de son chagrin, mais quoiqu'elle n'exprimasse pas cette préférence, il était facile de voir qu'elle la plaçait moins haut dans leur estime que la Vierge regrettée. Toutefois, elles ne refusèrent point à ses charmes le tribut d'éloge qu'il méritait. Elles comparèrent les boucles de ses cheveux aux tendrons de la vigne, ses yeux à la voûte azurée du ciel, et déclarèrent le blanc nuage coloré par le soleil du soir moins éclatant que l'incarnat de son teint. Pendant ces mélodies funèbres, il régnait un silence profond, interrompu seulement, ou plutôt rendu plus imposant par de fréquentes explosions de douleur, dont le retour en formait, pour ainsi dire, le cœur obligé. Les Delawares écoutaient avec une telle attention qu'ils paraissaient être sous l'influence d'un charme, et on lisait sur leurs physionomies expressives combien leur sympathie était vive et sincère. David lui-même se plaisait à entendre les accents de voix si douces, et longtemps avant que le chant eût cessé, ses regards émus et brillants annonçaient l'impression qu'il avait faite sur son âme. Œil de Faucon, le seul de tous les blancs pour qui les paroles fussent intelligibles, tendit le cou pour en saisir le sens à mesure que les jeunes filles chantaient. Mais, Lorsqu'elles parlèrent du bonheur commun qui attendait Cora et Uncas dans une autre vie, il secoua la tête en homme qui connaissait l'erreur de leur naïve croyance et, reprenant son attitude penchée, il la conserva jusqu'à la fin de la solennité funèbre. Heureusement pour la fermeté d'Hayward et du colonel Munro, qu'ils ne comprenaient pas le sens des mots harmonieux qui frappaient leurs oreilles. Chingachgook faisait seule exception au vif intérêt manifesté par les Delawares. Pendant qu'on chantait, il ne changea rien à sa posture, et même dans les moments les plus pathétiques des lamentations, aucun muscle n'avait tressailli sur son visage sévère. Les restes froids et inanimés de son fils étaient tout pour lui. À l'exception de la vue, tous ses autres sens semblaient atrophiés. Il n'était occupé qu'à contempler pour la dernière fois ces traits qu'il avait tant aimés et qui bientôt allaient lui être ravis pour toujours. Un guerrier renommé pour ses exploits et surtout pour sa conduite dans le dernier combat, sortit de la foule et vint se placer auprès des restes d'Uncas. « Pourquoi nous as-tu quittés, orgueil du Wapanaki ? » dit-il en s'adressant au jeune chef, comme si son argile insensible eût été capable de l'entendre encore. « Ta vie a été courte comme au matin la marche du soleil à travers les arbres, mais ta gloire a été plus brillante que sa lumière à midi. Tu es parti, jeune guerrier, pour le monde des esprits, mais cent Wyandots t'ont précédé sur le chemin pour en écarter les ronces. » Quel est celui qui, t'ayant vu dans la bataille, aurait pu croire que tu pouvais mourir? Qui, avant toi, avait jamais montré à Ottawa le chemin du combat? Tes pieds étaient comme les ailes de l'aigle, ton bras plus pesant que la branche qui tombe du sommet du pin, et ta voix ressemblait à celle du Manitou lorsqu'il parle dans les nuages. La langue d'Ottawa est faible, ajouta-t-il, en jetant autour de lui un regard de douleur. Et son cœur est gonflé de tristesse. Orgueil du Wapanaki, pourquoi nous as-tu quittés? D'autres lui succédèrent jusqu'à ce que la nation, par la voix de ses chefs et de ses plus fameux guerriers, eût payé son tribut à la mémoire du héros mort. Ensuite, le plus complet silence recommença à régner. Bientôt courut un murmure sourd et léger, comme celui d'une musique lointaine. Les sons s'élevaient tout juste assez haut pour qu'on en saisît le souffle, mais leur caractère était incertain, et on ne pouvait dire d'où ils provenaient. Cependant, ils devenaient, de moment en moment, plus clairs et plus sonores. On distingua d'abord de longues exclamations souvent répétées, puis quelques paroles. Le mouvement des lèvres de Chingachgook annonçait que le père d'Uncas allait à son tour commencer le chant de mort. Aucun regard ne se tourna vers lui. Il ne se manifestait pas le moindre signe d'impatience. Il était évident toutefois, à la manière dont chacun des assistants leva la tête pour écouter, qu'il prêtait à cette voix une force d'attention que Tamenund seul avait jusqu'alors obtenue. Mais on écouta en vain. Les sons, qui s'étaient élevés juste au point de devenir intelligibles, s'affaiblirent, chevrotèrent, et finirent par expirer comme emportés par le souffle du vent. Les lèvres du sagamore se refermèrent, et il resta silencieux à sa place, les yeux fixes, le corps immobile, comme une créature échappée des mains du Tout-Puissant, avec les formes extérieures de l'humanité, mais privée d'âme. Les Delawares virent par ces symptômes que leur ami n'était pas préparé à soutenir un effort si pénible. Leur esprit se détendit et, avec un instinct de délicatesse qui leur était naturel, ils l'appliquèrent tout entier à suivre les obsèques de l'étrangère. Un signal fut donné par un des chefs les plus anciens aux femmes rassemblées à l'endroit où reposait la dépouille mortelle de Cora. Aussitôt les jeunes filles soulevèrent la litière et s'avancèrent d'un pas lent et mesuré, en chantant d'une voix douce, basse et triste, les louanges de la trépassée. David, qui avait observé d'un œil attentif des cérémonies qu'il trouvait si païennes, se pencha alors vers le colonel absorbé dans sa douleur. « Ils emportent le corps de votre enfant, lui dit-il. Ne les suivrons-nous pas pour lui donner une sépulture chrétienne ?» Munro tressaillit, comme si la trompette du jugement dernier eût retenti à son oreille, et jetant autour de lui un regard égaré, il se leva et suivit le simple cortège avec le maintien d'un soldat, mais le cœur d'un père accablé sous le poids de son affliction. Ses amis se pressèrent autour de lui, et le jeune officier français lui-même se joignit à eux, sincèrement ému. Mais lorsque toutes les femmes de la tribu, jusqu'à la dernière, eurent repris place dans la procession funèbre, les hommes rétrécirent leur cercle et se groupèrent de nouveau autour d'Oncas, aussi muet, aussi impassible qu'auparavant. On avait choisi pour la sépulture de Cora un monticule où un bouquet de jeunes pins avait pris racine et formait un mélancolique ombrage. En y arrivant, les jeunes filles mirent leur fardeau à terre et, avec la patience caractéristique des Indiens et la timidité de leur âge, elles attendirent que ceux qui devaient prendre à cette triste cérémonie l'intérêt le plus vif leur donnassent une marque de contentement. Ce fut Œil de Faucon, le seul qui fut au courant de leurs coutumes, qui s'en chargea. « Mes filles ont bien fait, » dit-il, « les hommes blancs les remercient. » Satisfaites de ce témoignage d'approbation, les jeunes filles déposèrent le corps dans une sorte de bière faite d'écorce de bouleau et d'une forme non dépourvue d'élégance. Puis elles le descendirent dans son obscure et dernière demeure. La cérémonie ordinaire consistant à recouvrir le corps de terre et à cacher le sol fraîchement remué sous des feuilles et des branches fut accomplie avec les mêmes formes simples et réservées. Après avoir rempli ce suprême devoir, elles s'arrêtèrent, ne sachant si elles devaient continuer suivant les rites ordinaires. Le chasseur choisit ce moment pour prendre de nouveau la parole. « Mes filles en ont fait assez, » dit-il. « L'esprit des visages pâles n'a besoin ni de nourriture, ni de vêtements. Leur nature est en conforme au ciel de leur couleur. » Et voyant que David feuilletait son livre et se disposait à entonner un cantique de circonstances, il ajouta « Je vais laisser parler quelqu'un qui connaît mieux que moi les usages des chrétiens. » Les femmes s'écartèrent modestement et, cédant à d'autres le principal rôle dans cette scène, elles en devinrent spectatrices humbles et attentives. Pendant que David exhalait ses pieux sentiments à sa manière, il ne leur échappa ni un signe de surprise, ni un regard d'impatience. Elles écoutaient comme si elles eussent compris le sens de ce qu'il disait et semblaient éprouver les sentiments de douleur, d'espérance et de résignation qu'il s'était donné à tâche d'éveiller. Excitées par le spectacle dont ils venaient d'être témoins et peut-être aussi par l'émotion secrète qu'ils ressentaient, le maître de chant se surpassa lui-même. Sa voix pleine et sonore soutint honorablement la comparaison avec les accents si purs des jeunes indiennes, et ses chants, plus régulièrement cadencés, avaient du moins, pour ceux à qui ils s'adressaient, un mérite de plus, celui d'être compris. Il termina le psaume comme il l'avait commencé, au milieu d'un grave recueillement. Lorsqu'il eut fini le dernier verset, les regards inquiets de l'assemblée, un mouvement plus marqué d'attention, tout sembla annoncer qu'on s'attendait à ce que le père de la défunte allait prendre la parole. Munro parut sentir que le moment était venu pour lui de faire ce qui est peut-être le plus grand effort dont la nature humaine soit capable. Il découvrit ses cheveux blancs et jeta un regard ferme et calme sur la foule immobile. Puis, faisant signe à Œil de Faucon d'écouter, il s'exprima de la sorte. « Dites à ces jeunes filles, si pleines de douceur et de bonté, qu'un vieillard défaillant, un père désolé, leur fait ses remerciements. Dites-leur que l'être que nous adorons tous sous différents noms leur tiendra compte de leur charité, et que le temps n'est pas éloigné où nous serons réunis autour de son trône, sans distinction de sexe, de rang ou de couleur. » À ces paroles que le colonel prononça d'une voix tremblante, le chasseur secoua lentement la tête, comme s'il eût douté de leur efficacité. « Leur tenir un pareil langage, » dit-il, « autant dire que la neige ne vient point en hiver, ou que le soleil n'a jamais plus de force qu'à l'époque où les arbres ont perdu leurs feuilles. » Se tournant vers les jeunes filles, il leur exprima la reconnaissance de Munro en des termes plus appropriés à l'intelligence de ses auditeurs. La tête du vieillard était déjà retombée sur sa poitrine, et il allait rentrer dans son apathique mélancolie, lorsque le jeune Français dont nous avons parlé se hasarda à lui toucher le coude. Après avoir attiré à lui l'attention du malheureux père, il lui fit remarquer une troupe de jeunes Indiens qui s'approchaient, portant une litière entièrement fermée. Puis, par un geste expressif, il lui montra le soleil. « Je vous comprends, monsieur, » répondit Munro d'une voix qu'il s'efforçait d'affermir. « Je vous comprends, c'est la volonté du ciel et je m'y résigne. Cora, mon enfant, si les prières d'un père au désespoir peuvent maintenant quelque chose pour toi, que ta destinée là-haut sera heureuse. Allons, messieurs, » ajouta-t-il en regardant autour de lui avec un air de fierté calme, quoique la douleur qui contractait ses traits flétris fût trop violente pour qu'il pût entièrement la dissimuler. « Notre devoir ici est terminé. Partons. » Hayward obéit volontiers à un ordre qui l'arrachait d'un lieu où à chaque instant son courage était prêt de l'abandonner. Tandis que ses compagnons montaient à cheval, il pressa la main du chasseur et lui renouvela la promesse qu'il s'était faite de se revoir dans les rangs de l'armée anglaise. Puis, se mettant en selle, il alla prendre place à côté de la litière où des sanglots étouffés décelaient la présence d'Alice. On se mit en marche. Munro venait le premier, la tête basse. Hayward et David le suivaient dans une morne attitude, accompagnés de l'aide de camp de Montcalm avec son escorte. C'est ainsi que tous les Blancs, à l'exception d'Œil de Faucon, passèrent successivement devant les Delawares et ne tardèrent pas à disparaître dans l'immensité de la forêt. La sympathie qu'une communauté d'infortune avait établie entre les simples habitants de ces bois et les étrangers qui avaient fait parmi eux un séjour passager ne s'éteignit pas de sitôt. Durant bien des années encore, l'histoire légendaire de la jeune fille blanche et du jeune guerrier des Mohicans charma l'ennui des longues soirées et des marches pénibles, et entretint dans les cœurs ardents et braves la soif de la vengeance contre leurs ennemis naturels. Les acteurs qui avaient joué un rôle secondaire dans ce drame touchant et terrible ne furent pas non plus oubliés de longtemps. Par l'intermédiaire du chasseur, qui longtemps encore servit de lien entre eux et la vie civilisée, les Delawares apprirent que la tête blanche avait rejoint ses pères dans la tombe, succombant, à ce qu'on croyait à tort, au chagrin que lui avaient causé ses revers militaires, et que la main ouverte avait emmené la fille cadette du vieillard bien loin dans les colonies des visages pâles, où ses larmes, en cessant de couler, avaient fait place au doux sourire plus en harmonie avec son caractère heureux et enjoué. Mais ces événements sont postérieurs à l'époque où se passe cette histoire. Après avoir vu s'éloigner de lui tous ceux de sa couleur, Œil de Faucon revint vers l'endroit où le ramenait une invincible sympathie. Il arriva à temps pour jeter un regard d'adieu sur Uncas, que les Delawares s'occupaient à enfermer dans ses derniers vêtements de peau. Ils s'arrêtèrent un moment pour permettre au chasseur de payer à son jeune ami ce suprême tribut de sa malaffection. Puis le corps fut enveloppé pour ne plus être découvert. Alors commença une procession solennelle, semblable à celle qui avait conduit Cora au lieu du repos, et la nation entière accompagna le guerrier mort jusqu'à sa tombe provisoire, car il était convenable qu'un jour ses ossements reposassent parmi ceux de son peuple. Le mouvement de la foule, le sentiment qui l'animait, avait un caractère simultané et général. Elle montra pour la douleur paternelle la même affliction grave et muette, la même déférence que nous avons eu l'occasion de décrire. Le corps fut placé dans une attitude de repos, faisant face au soleil levant, ayant à ses côtés les instruments de guerre et de chasse, tout préparé pour le grand voyage. On pratiqua une ouverture dans la bière qui le recouvrait, afin que l'esprit fût libre de communiquer selon sa fantaisie avec son habitation mortelle. Et le tout fut caché à l'instinct des animaux de proie et mis à l'abri de leurs ravages par des moyens ingénieux connus des Indiens. Ces dispositions prises, l'attention publique se tourna de nouveau vers le grand serpent. Dans cette circonstance solennelle, on attendait d'un chef si renommé quelques mots de consolation et de sagesse. Habitué à se dominer, Le vieux guerrier comprit les désirs du peuple. Il releva la tête qu'il avait jusque-là tenue cachée sous son vêtement et promena sur l'assemblée un calme regard. Ses lèvres, jusqu'alors fortement comprimées, s'ouvrirent enfin et, pour la première fois depuis le commencement de cette longue cérémonie, sa voix se fit entendre d'une manière distincte. « Pourquoi mes frères sont-ils en deuil ? » dit-il en regardant l'air abattu des guerriers qui l'environnaient. « Pourquoi mes filles pleurent-elles ? Est-ce parce qu'un jeune homme est parti pour aller chasser dans les bois bienheureux ? Est-ce parce qu'un chef a rempli sa carrière avec honneur ? Il était bon, il était soumis, il était brave. Qui peut le nier ? Le Manitou avait besoin d'un semblable guerrier, et il l'a rappelé à lui. Pour moi, fils d'Oncas et père d'Oncas, je suis un arbre que les visages pâles ont dépouillé. Ma race a disparu des rivages du lac Salé et des collines des Delawares. Mais qui peut dire que le serpent de sa tribu a oublié sa sagesse ? Je suis seul. » À ces mots, œil de faucon, qui considérait d'un œil ému les traits rigides de son ami, fut incapable de se contenir plus longtemps. « Non, non ! » s'écria-t-il. « Non, Sagamore, vous n'êtes pas seul. Notre couleur peut être différente, mais Dieu nous a créés pour voyager dans le même sentier. Je n'ai point de famille, et je puis dire aussi comme vous, point de race. Il était votre fils, et peau rouge de sa nature. » Sans doute il vous appartenait de plus près par les liens du sang, mais si jamais j'oublie le garçon qui a si souvent à mes côtés combattu pendant la guerre et dormi pendant la paix, que celui qui nous a créés tous, quelle que soit notre couleur et notre nature, puisse m'oublier au dernier jour. L'enfant nous a quittés pour un temps, mais Sagamore, vous n'êtes pas seul. » Chingachgook saisit les mains d'œil de faucon, que celui-ci, emporté par un élan d'émotion, lui avait tendu au-dessus de la terre fraîchement remuée. Ce fut dans cette attitude touchante que ces deux fiers et intrépides enfants de la forêt inclinèrent en même temps la tête et que leurs larmes arrosèrent la tombe du jeune chef qui leur était si cher. Au milieu du silence imposant dont fut accueillie cette scène émouvante, Tamenund éleva la voix pour congédier son peuple. « C'est assez, » dit-il. « Allez, enfant des Lenapes, la colère du Manitou n'est pas apaisée. Pourquoi Tamenund vivrait-il encore ? Les visages pâles sont maîtres de la terre, et le temps des hommes rouges n'est pas encore venu. Ma journée a duré trop longtemps. Le matin, j'ai vu les fils de la tortue heureux et forts, et cependant, avant que la nuit soit venue, j'ai vécu pour voir le dernier guerrier de la sage et antique race des Mohicans. »